Sonata Production. Néochrome, alors c'est qui? Vater, c'est nous, c'est pas nous. Mélan, alors c'est qui? C'est quoi? C'est comment? C'est où que le bail se passe? Quand c'est gris, froid, violent moi. Je suis pas leur copain et de base, on parle de vie, de choix, de vivre, voir quand les problèmes s'accent. On fume la vie, parler debout, histoire de revenir au même stade. Du coup, on nous accuse à tort. Pareil que c'est tabou dès qu'on part. Un peu hardcore dans les propos, tenus par les trompas. Ils nous mènent à la baguette, au bateau, ou par le bout du nez. Accoutumé, des crises de nerfs, cela dépendra où tu nais. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. Oh, pas dire Mélan et toute la meute de loup. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. On fout des coups, des trous, des foules, défoulez-vous. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. Au merde d'un sud-ouest, j'ai toute la meute de loup. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. On fout des coups, des trous, des foules, défoulez-vous. Quitte à te voir paraître crédible, tu l'aspirais à la chansonnette. État dépravé, laisse des traces, mais aussi aucune chance au mec. Ayant l'esprit qui part, on se guette, coule et roule des mécaniques. Des bonnes bouches avec la croix, fin de bien saoul. Les mécaniques, les fêlés, c'est le défilé, mais je n'ai qu'un bisou trash. Des vécus cachés par des soirées bisutables. Car quand l'alcool fait son apparition, mes ravages sont fréquents, d'accord, on trinque une tradition que l'on perpétue en conséquence. Alors qui sont ces petits cons si sombres, frôlant l'indécence pure? La faim se fait sentir lorsque la taille se descend plus. Le satan, les fistons, oh my, passe le décor. On reçoit un Scorsese, le matin un 7. Le rap j'ai pris d'otage, le mic est branché devant la gueule d'un pilotrage. J'ai pris le dopage, l'alcool un danger quand mon stylo crache. Aucune satisfaction à voir mon brasier célèbre. On tise à fond, on sert sans climatisation. Nos voix dépassent les ténèbres, qui a fait le colosse sans savoir. Tu t'es perdu à trop parler, tu t'es vertu à être un putain sans savoir. Dans mon malheur, l'inspire, je délaisse pas. Depuis que j'ai 15 puis je représente les valeurs et les principes de l'Espagne. Alors qui est-ce qui crame le peu de cœur qui nous reste? Pète les boomers, ta bunker. Bouffe le peu de graille qui nous laisse. L'État fait ce qu'il peut pour diviser, crever les fous. Mon cœur vit sans feu, j'essaie de le maîtriser pour faire lever les foules. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. Pas dire Mélan et toute la meute de loup. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. On fout des coups, des trous, des foules, défoulez-vous. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. Au merde d'un sud-ouest, j'ai toute la meute de loup. Alors c'est qui? C'est nous, c'est pas nous. On fout des coups, des trous, des fous, défoulez-vous. Exaspéré, déjà péré à ma peine est une épreuve. Le cœur lacéré par les pleurs, le scar à la porte des lunettes neuves. Et si t'as l'une des plus belles meufs, prends garde. Garde des garodes, le dégât des cas.